À l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'Héroïque Armée Populaire de Corée, le rendez-vous des ouvriers et syndiqués avec un héros de la République a eu lieu le 20 au Palais central des ouvriers à Pyongyang. Lors du rendez-vous, le héros de la République, Ji Yong-chun, conférencier du Musée de la guerre de libération de la patrie, a souligné que grâce aux idées originales du président Kim Il-sung en matière d'affaires militaires, à son éminent art de guerre et à ses stratégies et tactiques, les vaillants combattants de l'armée populaire ont fait preuve de leur courage sans pareil, esprit de sacrifice et héroïsme collectif dans la dernière guerre de libération de la patrie, pour battre les impérialistes américains qui se vantaient d'être les plus puissants dans le monde, et créer ainsi le mythe de la brillante victoire dans la guerre. Il a ajouté que le général Kim Jong-il a continué le chemin de Sun Gun bien dur pour renforcer notre armée populaire en armée forte en idéologie et en conviction, et en armée invincible dont chaque combattant est prêt à combattre l'ennemi un contre cent, et en armée dotée de puissants moyens d'attaque à la coréenne. Pour terminer, il a souligné que les exploits des grands hommes peu communs accomplis pour le renforcement de la puissance militaire sont continués à merveille grâce au dirigeant suprême Kim Jong-un, nouveau grand promoteur de Sun Gun.